coucou. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Heureux d'être là, de vous retrouver en ce jour, non pas de fête, mais presque, parce que c'est toujours une fête quand on se retrouve dans ce rendez-vous que je vous donne le mercredi, le dimanche et le lundi. Nous sommes ensemble pendant près de 2 heures encore, pour passer, je l'espère en tout cas, un moment agréable. On va commencer tout de suite avec, allez, une petite chanson. Puis d'ailleurs, c'est même pas une chanson. C'est un petit passo-doble. C'est un petit passo-doble, et puis, que dire? Bon, allez, on va arrêter de tchatchatcher, comme on dit, et on va démarrer tout de suite. Momenti Vienesi va laisser la place à un petit tchatchatcha. Non, je vous avais dit un passo-doble. Bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Oh, un petit passo-doble? Allez, un petit passo-doble, et puis après on verra. Peut-être un petit tchatchatcha. Je suis indécis aujourd'hui. C'est comme ça, il y a des jours avec. On y va? C'est parti. Thank you. Je vous avais dit que c'était un passo-doble. Bon, je ne suis pas sûr, hein. C'est peut-être bien une marche. Bon, je vous avais promis un cha-cha-cha. Je crois bien que c'en est un. Car tout s'arrête sont tombés sur les routes gelées. L'ami, quand on courait sur les chemins pavés de fête, mouillés de vin, l'ami, nos chansons nous disaient que cela durerait la vie. Une rose pour Sandra, c'est pour Simone. Et c'est de la part d'une amie fidèle qui lui souhaite un très bon rétablissement. J'espère que ce rétablissement a déjà eu lieu parce que j'avais promis cette mélodie, une rose pour Sandra, pour une émission précédente. Bon, mea culpa, comme on dit, mea culpa. En tout cas, voilà. Une rose pour Sandra et c'est pour Simone de la part d'une amie fidèle qui se reconnaîtra, bien sûr. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre. Je l'aime toujours. Il a suffi d'une nuit pour dénouer nos deux vies. Sandra m'a quitté sans bruit et par orgueil je l'ai laissé partir. Sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime toujours. Je crains qu'il ne soit trop tard, mais mon cœur persiste à croire que Sandra me reviendra, car il existera toujours un Dieu pour les amoureux.

Voilà, un petit moment avec quelques cordes, pour être très exact, avec 6 cordes de guitare. Voilà, une belle interprétation. Adios amigo, c'est le titre de cette musique. Et puis, sachez qu'il y a un proverbe qui dit dans la vie, il vaut mieux faire envie que pitié. Alors, je le mets à votre jugement. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Dans le métro, ça me fait penser à l'eau sur le coco. Au lieu de regarder l'aéropique, ouais, je me tape un bon fromage de pique. Car pour bien commencer la journée, il faut un estomac bien calé. Nananer, moi je me débrouille, je mange pas que des nouilles. Dans la vie, vaut mieux faire envie que plier. Chaque jour j'engraisse, mais j'ai pas de stress. Dans la vie vaut mieux faire envie que piquer nananer. Quand Rosette vient me voir à la maison, je lui prépare toujours des rognons. Et comme elle a des cuisses de grenouille, il faut la gaver comme une andouille. Ensuite on se met devant la télé avec des chocolats pralinés. Chaque fois qu'il marque un but au football, on l'arrose avec un bon cognon. La la nanère, moi je me débrouille, je mange pas des nouilles. Dans la vie vaut mieux faire envie que piller. Chaque jour j'engraisse, mais j'ai pas de stress. Dans la vie vaut mieux faire envie que. Allez avec nous, ouais. La la la la la. Miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam. Moi je me débrouille, je mange pas que des nouilles. Dans la vie vaut mieux faire envie que piller. Chaque jour j'engraisse, alors j'ai vraiment pas de stress. Dans la vie vaut mieux faire envie que piller. Faut bien digérer sa feuille d'impôt, il faut la noyer dans du Bordeaux. Fait des enflées les amygdales. Bien manger c'est bon pour le moral. La vie c'est pas toujours du nougat. Laissons nos soucis pour mardi gras. Bah ouais, y a les crêpes, hein. Quand ça chauffe un peu sur la planète, bien des gens ne sont pas à la fête. À la terre, moi je me débrouille, je mange que des nouilles. Dans la vie vaut mieux faire envie. Chaque jour j'engraisse. Il vaut mieux faire envie que pitié, surtout quand on mange des nouilles, n'est-ce pas? Bien, alors, les Caraïbes à la maison. Eh oui, c'est Franck Michael, bien sûr. Et c'est un souvenir de Louisette. Louisette trop tôt disparue, trop tôt partie. Elle est là-haut, dans les étoiles, comme dit le proverbe. Elle est là-haut, dans les étoiles, en train de danser

C'est aussi un peu les chansons, un petit peu la musique, et puis le bonheur. C'est quoi le bonheur ? Simplement le fait d'être avec quelqu'un que l'on aime, être accompagné de quelqu'un à qui on fait confiance, parler avec des amis. Le bonheur, finalement, c'est peu de choses. C'est peu de choses. Il faut savoir le saisir, tout simplement, et puis surtout, le partager. Petite Java, allez, petite Java. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Je vous propose Au Sole Mio. Après avoir entendu, Rossignol, ça vous dit? Allez, on y va. Ça dure pas longtemps, 6 minutes et demie. On est parti. Thank you. au cœur plein de tristesse. Enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol va dire à la princesse: je t'importe l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chante. C'est pourquoi depuis, les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, Rossignol, mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Oh, c'est pas de la rigolade, hein, comme qui dirait l'autre. Il a du coffre, le monsieur, là. Oui, il a du coffre. Ah, j'avais prévu ce petit intermezzo. Eh oui, que voulez-vous. Bon, quelle heure est-il? Ah oui, c'est bientôt la fin, hein. La fin de cette première partie de l'émission. Alors, on va peut-être terminer cette fin d'émission avec quelque chose. Avec quelque chose que vous allez vraisemblablement découvrir. On y va? Allez, c'est 6 minutes aussi, 6 minutes 30 pour être très exact. C'est parti, allez. Qui est-ce qui pense à s'amuser, à faire la fête et à danser? C'est nous les retraités. Et il ne faut pas nous enfermer. Eh bien, il y a des voyages à organiser pour nous les retraités. Dans une journée, on peut en voir. On part très tôt, on rentre tard. Le puits du fou, les bords de Loire. Danser et même chanter, nous on voyage en cœur. Eh bien, la première chose, s'organiser. Il y a des cœurs en quantité. Évitez surtout de vous mélanger. Voyager jour et nuit par catégorie. Les gens aisés près, les cacheurs, les pompiers, les carolisés. Les carlites, c'est pour les bonnes sœurs. Et les cartouches pour les chasseurs. Pan. Allez, dernière fois, c'est du la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Allez, c'est bien facile encore. Pour nous, les retraités. En tout cas, on part assez tôt, on rentre tard. Le puits du feu, les bords de Loire. Pour chanter, rire et même boire. Nous, on voyage en cas. Et bien, n'oubliez pas, bien sûr, qu'on vous aime. Oh là là, oh là là, quand il faut y aller. On est toujours là, oh lé lé, oh la la, on est toujours là pour faire la bamboula. Les musiciens vous disent bonsoir. Les musiciens vous disent bonsoir. Les musiciens vous disent bonsoir. Les musiciens vous disent bonsoir. Ouais, les musiciens. Allez. Ce n'est qu'un autre. Juré, craché, ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve très très très bientôt. Mais pour le moment, on reste encore ensemble. Elle s'appelle Marie. Lui, son nom, c'est Pierrot. Tout le monde le connaît. Ils sont à l'hôpital. Vous savez, ce petit village qui est entre Génicia et Chanet. Un tout petit village. Super charmant. Super gentil, surtout Marie et surtout Pierrot. Eh oui, et ils ont, Marie et Pierrot, plutôt Marie que Pierrot d'ailleurs. Marie a un frère, eh oui, qui s'appelle Jean-Claude, tout simplement. Et Jean-Claude, eh oui, il y pense à sa sœur, il pense aussi à son beau-frère, bien évidemment. Mais voilà, il y a quelques heures de cela, Marie... vient d'avoir, ou plutôt non, que dis-je, j'allais dire une bêtise. Marie vient de fêter son anniversaire. J'allais vous donner son âge, quelle erreur. Pour une femme, ça ne se fait pas. Mais je puis vous dire que, malgré cet âge-là, Marie, comme dit Pierrot, elle y va encore à la danse. Marie, c'est pour toi. De la part de ton frère, Jean-Claude. Alors, pardonne-moi, mais j'ai pas beaucoup cherché. Hein. J'ai pris une chanson de Johnny Hallyday. Eh oui, que veux-tu ? Jean-Claude a déteint un peu sur moi. Allez, joyeux anniversaire, même avec quelques petites heures de retard. À toi, Marie. Innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. J'ai vu plus d'horreur que de merveille. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh, oh, oh, oh, oh. Toute la journée, sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour, il faudra faire preuve de bravoure. Monter au fond, en première ligne. Oh Marie, je t'en prie, fais-moi signe. Oh, oh, oh, oh, oh. Sa dernière danse. Oh Marie, oui j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, oui j'attendrai. Tu viens me retrouver. Allez. On en fera un autre jour, Marie, lors du prochain anniversaire, n'est-ce pas? Voilà, c'était de la part de ton frère Jean-Claude. Mais, pardon Jean-Claude, je m'associe aussi à ce petit hommage à Marie. Merci. C'était un ami. Il est parti il y a quelques jours de cela. On avait ensemble une grande amitié. Il est parti, il avait 70 ans. On ne sait pas pourquoi il est parti, parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Quand un ami nous quitte, c'est dur. C'est dur. Surtout que, je crois que c'est pour tout le monde pareil, il ne méritait pas ça. Je ne vais pas m'attarder. Je voudrais simplement avoir cette pensée pour mon ami Alain. Alain, vous pouvez tout lui demander à Alain. Il avait le cœur sur la main, comme on dit. Et puis, il y a peu de temps, il m'a contacté comme tous cette putain de maladie. Et il est parti. Un beau jour, sans crier gare, laissant sa famille, sa compagne, Nénette, dans la peine, et ses amis aussi. Il en avait quelques-uns. Il voudrait simplement, mon pote, te dire un dernier adieu. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et comme on dit dans ces cas-là, le spectacle continue. Ma blonde. La musique continue et puis le spectacle continue surtout. On est toujours là et on y reste encore pendant un petit moment. Seront bien fatigués. les délires veloutés de tous nos jeux interdits. Des mots d'amour envoyés d'Angleterre. Et pourtant tu n'as rien dit. D'un regard j'ai tout compris. Je sais que je t'ai fait mal et qu'il faudra du temps. On dit que par habitude, l'amour glisse entre nos mains, tout comme le vent du sud sur les ailes des moulins. Et qu'un bouquet de je t'aime, quand vient la fin de l'été, n'a plus la couleur des roses au mois de mai. Même si tous les poètes ont pleuré le temps qui passe, même si l'amour s'arrête au long des jours qui s'effacent, moi je veux te dire ce soir que chaque page de notre histoire, grâce à toi, se marie avec l'infini. Depuis que je t'aime, le temps n'a pas passé. Comme un film arrêté sur le tout premier baiser, coule la rivière du temps, tournent les heures et pourtant, toi et moi c'est comme un éternel instant. Et même si sur le manège qui fait tourner les saisons, un jour tombe la neige qui recouvre les passions. Depuis le premier matin, à chaque pas sur mon chemin, mon cœur n'a cessé de battre avec le tien. Depuis que je t'aime, le temps n'a pas passé. Comme un film arrêté sur le tout premier baiser, coule la rivière du temps, c'est comme un éternel instant. Coule la rivière du temps, tourne les heures et pourtant, toi et moi, c'est comme un éternel instant. Comme un film arrêté sur le tout premier baiser, coule la rivière du temps, tourne les heures et pourtant, toi et moi c'est comme un éternel instant. Non, le temps n'a pas passé. Encore, juste une fois encore, et tour à tour, chantons toujours. Encore un dernier refrain, un dernier accord, encore. et chantons en cœur la douceur au fond du cœur. Ce soir, ce soir, demain, demain, marions nos chemins et faisons moisson de chansons encore. En le quart d'heure italien. Tout de suite, on le commence avec une chanson que je dédie à mon ami Alain. Alain qui vient de nous quitter. si legge ancora il segno della rabbia, sai, per un amore che si fingeva sincero, mentre in ogni momento celava il tradimento dentro al cuore. Bussa alla mia porta ed aprirò. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Allez, on va partir en vacances dans ce moment où on retrouve tout simplement le quart d'heure italien avec une très très belle chanson. C'est parti. Sempre lavorare, sarebbe bello riposare e andare qualche giorno al mare, ma con l'arrivo dell'estate tu stai contando le giornate, ancora pochi giorni dai, per le vacanze partirai. Arriva anche il momento di fare niente, la sveglia che suona non c'è, ti puoi divertire perché è una vacanza, di lavorare si può fare senza, sei libero e senza pensieri, la vita la devi godere. Un'altra giù per la pineta, la sera dopo a passeggiare, vacanza vera ed il tuo cuore già in riviera. Ancora poche ore dai, per le vacanze partirai. E finalmente arriva anche il momento di far niente. La sveglia che suona non c'è, ti puoi divertire perché è una vacanza. Di lavorare si può fare senza, sei libero e senza pensieri, la vita la devi vedete, rompite di me. se volete, vi prego di dirmi che ormai più non l'amo. Versa ancora da bere quel vino nel calice amaro. Allez, une petite valse, en italien bien sûr. Cantare a te, vola canzone. j'avais oublié de vous préciser que c'était une valse lente, bien sûr, une valse lente. Pardon. Eh bien, pour me faire pardonner, allez, une petite mazurka. Lui più non tornò e lei resta triste. alfabeti tra pioppie e betulle. E il tempo che passa non lascia più niente di quella stagione di un bacio innocente. Chiesetta tra le rose, solitaria tra il verde dei monti, è scomparso quel vecchio sentiero, prosciugata è la piccola fonte. Chiesetta tra le rose, nessuno che pensa più a te, restan solo i miei dolci ricordi, e ancora vivono chansons que nous nous quittons pour mieux nous retrouver très très très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes. Et vous les femmes, je vous embrasse partout partout, partout partout. Chiesetta tra le rose, nessuno che pensa più a te, restan solo i miei dolci ricordi che ancora vivono. Vous écoutez Sorgé FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.